سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous avons choisi d'aborder aujourd'hui un sujet qui pourrait susciter l'interrogation: pourquoi avoir choisi ce sujet? Ce sujet préoccupe beaucoup de personnes, surtout à cette époque, le grand public, mais aussi les étudiants en sciences religieuses. En effet, les médias se sont mis à vulgariser les règles religieuses et les lois religieuses et à les diffuser parmi les gens. La divergence entre les avis d'un tel et d'un tel est devenu une grande source de perturbation, voire même de doute chez de nombreuses personnes. Surtout chez les personnes qui ne connaissent pas les causes de la divergence entre les savants. Et c'est la raison pour laquelle nous allons aujourd'hui essayer de traiter ce sujet, bien que c'est un sujet qui demanderait plus de temps que le temps qui m'est imparti aujourd'hui. Je vais m'appuyer pour cela sur un épître qu'a écrit Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymeen et y rajouter certaines paroles d'autres savants qui ont été dites dans d'autres livres, surtout parmi eux un livre que je recommande, Hidayatul Sultan ila Muslimi Biladil Yaban, le cadeau de Sultan pour les musulmans du Japon. Ce livre a été écrit il y a presque 100 ans par un savant de Samarkand, rahimahullah, Mohamed Sultan al-Ma'soumi, dans lequel il traite du sujet: est-ce qu'il est obligatoire pour un musulman de suivre une école juridique? Ce sujet, il est d'une importance majeure pour les musulmans, car un des grands bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à cette communauté, spécifiquement des gens de la sunna de cette communauté, leur divergence ne réside pas dans des fondements de la religion, ni dans ses sources originales, contrairement à ceux qui ont divergé avec les gens de la sunna. Nous parlons de la divergence entre les gens de la sunna, pas dans les fondements, pas sur les sources sur lesquelles on se base pour les règles religieuses, mais qui sont liées aux règles de pratique et à la manière de pratiquer sa religion dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas en vérité une divergence qui est une source de division, ni qui met en péril l'unité de la communauté, mais ceci à condition de se comporter avec cette divergence-là de la manière dont il est légiféré en islam. Tout d'abord, au temps du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, quand il y avait une divergence entre les compagnons, ceci était réglé directement en questionnant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qui tranchait les questions directement. Et c'est pour cela que l'on trouve dans le Coran al-Karim, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ, dans le sens des versets, il t'interroge sur ce qui leur est permis. Et il t'interroge: que doit-on dépenser en charité? Dit: l'excédent de vos biens. Il t'interroge au sujet du butin. Dit: le butin est à Allah et à son messager. Il t'interroge sur les nouveaux croissants de lune. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Et beaucoup d'autres versets dans ce sens-là et des hadiths authentiques où les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam revenaient à lui dans chaque divergence. Il sallallahu alayhi wa sallam tranchait. Toutefois, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, les gens de cette communauté, de la sunna toujours bien sûr, ont divergé sur certains sujets liées aux lois religieuses et aux règles de jurisprudence. Et elle ne touche pas les fondements de la religion. Et pas non plus les sources originales de la religion. Mais elle mérite cependant que nous mettions en évidence certaines de leurs causes. Aussi, il faut savoir que nous avons la certitude qu'il n'y a personne parmi les savants de la Sunna dont on a confiance dans leur science, leur loyauté et leur religiosité qui tend à contredire les préceptes clairs du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon volontaire et intentionnelle. Malgré cela, ces grands savants peuvent commettre des erreurs. Ces erreurs-là portant sur les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais pas sur les fondements, ou rarement. Ça peut arriver chez certains savants de la Sunna, même de faire certaines erreurs d'interprétation dans certains fondements, ou dans des explications de certains fondements, mais ça c'est rare, et les autres savants de la Sunna ont été là pour corriger. Seulement sur les lois et règles de mise en pratique des lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces erreurs-là, elles sont inévitables à l'homme. Car Allah tabaraka wa ta'ala a décrit l'homme comme faible. Dans le sens des versets, l'être humain a été créé faible. Faible dans sa science, dans sa perception, dans sa compréhension, dans sa capacité intellectuelle à englober de science toute chose. Car il n'y a qu'Allah qui englobe de science toute chose, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que, quoi qu'il en soit, l'homme, il devra finalement, un jour ou l'autre, se tromper sur certains sujets. Bien que les causes des divergences entre les savants soient nombreuses, il y a certaines causes essentielles à cause desquelles ils ont divergé. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ici en cite 7. Première raison, le savant qui se trompe dans son jugement ou dans son avis n'a peut-être pas eu connaissance de la preuve concernant cette question. Ce cas, il a pu se présenter chez les compagnons, radiyallahu anhum, et chez ceux qui les ont suivis, les tabi'in, rahimahumallah. Le premier exemple que nous connaissons à partir du récit authentique apporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et d'autres sources, ce qui est arrivé au prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lors de son voyage vers la Syrie. Alors qu'il était en chemin, il a été informé qu'il y avait une épidémie de peste, alors il s'est arrêté, et il s'est mis à consulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu deux avis différents sur cette question. Et l'avis le plus plausible dans le cas était de faire demi-tour. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, il était absent au début de cette consultation pour une affaire personnelle. Quand il arriva, il a entendu qu'ils discutaient sur cette question. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, si vous êtes informé de cette épidémie sur une terre, n'y entrez pas. Et si elle survient à un endroit où vous êtes, ne le quittez pas pour la fuir. Donc vous voyez bien que cet avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam était ignoré par les plus éminents parmi les compagnons. Et après qu'ils aient eu cette information, ils se sont tous pliés à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un deuxième exemple, c'est que Ali ibn Abi Talib et Abdullah ibn Abbas, ils ont décidé que la femme qui est devenue veuve, alors qu'elle est encore enceinte, ils ont dit, cette femme-là, sa période de viduité, ce sera la période la plus longue entre les deux. Parce qu'il y a la période de la femme enceinte et il y a la période de la femme dont son mari est décédé. La période de la femme enceinte, c'est jusqu'à qu'elle accouche. Et la période de la femme dont son mari est décédé, c'est 4 mois et 10 jours. Donc ils ont dit, sa période à elle, ce sera la plus longue des deux périodes. C'est-à-dire, si elle accouche avant la fin des 4 mois et 10 jours, elle attendra la fin de 4 mois et 10 jours. Si par contre 4 mois et 10 jours sont passés, elle est encore enceinte, elle devra attendre la fin de sa grossesse, jusqu'à l'accouchement. Donc ça, c'était l'avis de qui? De deux grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife de l'islam, un grand savant parmi les compagnons. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le savant de cette communauté. Mais ils ignoraient ce hadith. Quel est ce hadith? C'est le hadith de Sabi'a al-Aslamiyya, qui est un hadith sahih. Son mari est décédé alors qu'elle était enceinte de lui. Et elle a accouché quelques nuits après la mort de son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de se marier. Donc on voit ici que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les plus illustres parmi les compagnons, les plus savants de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes de cette communauté, il se pouvait qu'ils ignorent certains hadiths, mais quand la vérité apparaît et le hadith est authentifié, alors ils se pliaient tous sans exception au hadith authentique. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymeen a dit ici, et je suis certain que si Ali ibn Abbas avait eu connaissance de ce hadith, il l'aurait certainement adopté et n'aurait pas eu un avis contraire à cela. La deuxième raison, c'est que le hadith peut parvenir à un savant, mais par une voie qui ne lui assure pas l'authenticité de ce hadith. Donc, il va donner un avis contraire, il va se baser sur un autre hadith qu'il connaît, ou bien sur un verset général ou sur une analogie d'un verset. Mais ce hadith-là, il a pu être rapporté par d'autres rapporteurs dans d'autres régions du monde. Puis après, on se rend compte que c'est un hadith authentique. Et on a un exemple en cela, à l'époque des compagnons, radiallahu anhum. Le mari de Fatima bint Qais l'a répudié pour la troisième fois. Par la suite, il lui envoya de l'orge comme pension alimentaire pendant la période d'attente. Mais elle a refusé l'orge. Ils ont plaidé leur affaire devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a informé la plaideuse qu'elle n'avait droit ni à la pension alimentaire, ni au domicile conjugal. Car elle avait été divorcée définitivement, sans possibilité de retour. Troisième divorce dans trois assises différentes, bien sûr. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il faisait la fatwa contraire à cela. Malgré son mérite, il faut savoir qu'Omar radiallahu anhu, c'est un grand savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répondait aux fatwas du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ignorait ce hadith. Et quand ce hadith lui a été rapporté, il l'a rejeté. Car il a supposé que Fatima bint Qais, elle a pu oublier et qu'elle dit une chose dont elle n'est pas sûre. Et il a dit, allons-nous délaisser l'ordre de notre Seigneur pour la parole d'une femme pour laquelle nous ne savons pas si elle se rappelle ou si elle a oublié. Donc on voit, il a un doute sur la personne qui lui a rapporté. Pas sur sa fiabilité, mais sur sa mémoire. Et ce hadith, il est authentique, il a été authentifié par plusieurs chaînes de transmission et il n'y a aucun doute sur son authenticité. Si ceci a pu arriver à Omar ibn al-Khattab, ça peut arriver encore 10 fois, 100 fois plus à ceux qui l'ont suivi parmi les savants. La troisième raison, c'est que le hadith peut parvenir au savant, mais que ce savant, il l'oublie au moment de faire la fatwa ou la vie religieuse. Allah tabaraka ta'ala, il a fait l'être humain manquant, il peut oublier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans salat, il a oublié un verset. Et concernant ce point, le fait d'oublier une preuve, il y a encore une histoire entre Omar ibn al-Khattab et Ammar ibn Yasir, radiallahu anhum. Ils étaient en voyage d'eux et ils étaient en état d'impureté majeure. Ammar ibn Yasir a compris le verset sur le tayammum qu'il fallait le pratiquer comme pour le ghusl, c'est-à-dire que le sable doit toucher tous les membres du corps, comme l'eau doit toucher tout le corps quand on fait le ghusl. Il s'est roulé dans la terre comme une bête qui se roule dans la terre. Et il a fait la salat. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, n'a pas prié. Il a attendu de trouver de l'eau pour prier. Quand ils sont retournés, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a jugé entre eux et il a donné raison à Ammar, sauf qu'il lui a enseigné comment faire le tayammum. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab faisait la fatwa que le tayammum ne suffit pas pour les grandes ablutions. Alors Ammar ibn Yasir, radiallahu anhuma, il est venu lui rappeler cette histoire. Et Omar avait oublié. Jusqu'à même quand il lui a rappelé, il ne s'en souvenait pas. Ammar lui a dit, écoute, tu es le chef des croyants. Si tu m'ordonnes de ne plus dire cette parole, je ne le dis plus. Et Omar il lui a dit, je te laisse assumer la responsabilité que tu as voulu prendre. C'est-à-dire de communiquer et de transmettre ce hadith. Tu l'as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vais pas t'empêcher de le transmettre. Mais moi, je ne m'en rappelle pas, donc je ne peux pas le dire. Donc, on voit bien ici que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a oublié un hadith et il a fait la fatwa contraire à un hadith qu'il connaît. Donc, si cet oubli, Il peut toucher les meilleurs des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les plus savants des hommes de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, il peut toucher aussi les savants après eux. Il y a aussi une autre histoire. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte qu'il a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar et ils n'ont jamais dit Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Et lui-même, dans un autre hadith, il rapporte une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a déjà récité Bismillahir Rahmanir Rahim à voix haute. Et les savants, ils ont discuté justement sur ces hadiths et la contradiction qu'il peut y avoir entre eux. Et le plus juste, c'est que la fois où il a dit qu'ils n'ont jamais fait, il avait oublié. Et auparavant, il avait déjà rapporté ce hadith-là. Car c'est parmi les sahaba qui sont morts le plus tard. La quatrième raison, c'est que le savant peut avoir eu connaissance de la preuve, mais il l'a comprise d'une manière différente de ce qui a été dit. La preuve de cela, la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Dans le sens des versets, mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Que vous ayez touché aux femmes, cela a donné sujet à interprétation entre les savants. Certains ont dit, ça annule les ablutions. L'imam Shafi'i, rahimahullah. Certains ont dit, celui qui touche une femme avec désir. Et le troisième avis, qui est l'avis de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, le rapport sexuel avec sa femme. Et en réalité, ce troisième avis est le plus juste, comme les savants le détaillent. Donc là, on voit que le verset est parvenu à chacun, mais chacun l'a compris d'une manière différente. Et il y a plusieurs hadiths sur ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui touchait Aïcha, les hadiths où il a embrassé ses femmes et il est sorti, il a prié, sallallahu alayhi wa sallam, etc. La cinquième cause, c'est que le hadith peut être parvenu au savant, mais ce hadith, il a été abrogé. Et ce savant, il ignore le texte qui prouve son abrogation. Sur ceci, il y a Abdullah ibn Mas'ud qui, quand il faisait l'inclinaison, il mettait ses mains entre ses genoux. Et ceci était permis au début de l'islam. Mais après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de mettre les mains sur les genoux. C'est pour ça que quand il a vu Al-Qama et Al-Aswad mettre les mains sur les genoux, il leur a dit non, mettez les mains entre les genoux. Car Abdullah ibn Mas'ud, il n'a pas eu connaissance des hadiths qui sont venus abroger ce premier ordre. Abdullah ibn Mas'ud, un des plus savants parmi les sahaba, radiyallahu anhum, il connaissait le premier hadith, mais il ne connaissait pas le hadith qui venait abroger cette règle. La sixième cause, la sixième raison que l'on peut citer, c'est que le savant peut croire que la preuve est en contradiction avec une autre preuve plus évidente ou plus sûre, ou un texte qui fait l'unanimité des savants. Donc il le délaisse. Et ceci est très très fréquent dans les causes des divergences entre les savants. Et on entend beaucoup de savants amener l'unanimité sur des sujets. Et quand on regarde bien en vérité, beaucoup de ces sujets sur lesquels il est cité qu'il y a unanimité, il n'y a pas unanimité dessus. Il y a un exemple qui est arrivé, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il voyait que le riba, elle n'était que dans riba nasi'a, l'usure qui se fait à terme. Quand on donne une chose parmi les choses dans lesquelles l'usure entre, maintenant, et on nous le rend plus tard. Et il voyait qu'il n'y avait pas de riba al-fadl, c'est-à-dire, je te donne 1 kilo de dattes de bonne qualité contre 2 kilos de dattes de mauvaise qualité. Abdullah ibn Abbas, il ne voit pas l'interdiction de ça. Et il s'est basé sur un hadith qui dit, le riba n'est que dans le terme. Il est sahih ce hadith. Et il a considéré que tous ces textes, ils contredisaient ce hadith, donc il les a mis de côté. Pourtant, il n'y a pas de contradiction entre les deux en réalité. Il y a deux types de riba. Riba al-fadl ou riba al-nasi'a. Riba al-fadl, c'est l'échange inégal. C'est-à-dire 1 kilo de sel contre 3 kilos de sel. Même sur place, main à main. Et il y a unanimité de tous les savants, après Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, sur le fait que le riba, il entre dans les deux. Mais en réalité, Abdullah ibn Abbas, il a compris le terme. Le riba est seulement dans celui qui est à terme. Mais en vérité, cela veut dire que c'est celui qui est le plus grave. Et c'est ce riba-là qui était le riba qui était pratiqué dans l'époque anti-islamique. L'autre est interdit aussi. mais sa gravité est moindre par rapport au premier. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah a considéré que riba al-fadl c'est interdit parce que c'est un moyen qui mène à l'illicite, alors que riba al-nasi'a c'est interdit parce que c'est illicite en lui-même. Donc il a compris et il a cru que ces textes-là contredisaient un texte et que ce n'était pas possible de lier entre les deux. La septième raison que l'on peut citer, le savant, il s'appuie sur un hadith faible en pensant qu'il est authentique. Ou bien, il utilise un hadith authentique, mais avec une démonstration faible. C'est-à-dire, il en tire des règles qui ne sont pas en fait les règles que l'on peut tirer de ce hadith. Parmi les exemples de la pratique de certains actes basés sur un hadith faible, il y a salat ou tasbih, que les savants ont considéré que c'était faible et qu'il n'y avait aucune preuve établie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la faisait. Et ils ont expliqué toutes les causes pour lesquelles ce hadith n'était pas acceptable et pas authentique. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Aucun des savants ne l'a recommandé ». Maintenant, ceux qui s'appuient sur un hadith authentique, mais avec une compréhension faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'immolation d'une bête est valable pour le fœtus qu'elle porte ». C'est-à-dire, si quelqu'un il égorge une vache, ou un chameau, ou une chèvre, ou une brebis, qui est enceinte, il n'aura pas à égorger le bébé qui est dans son ventre, qui n'est pas encore sorti. Certains savants, ils ont compris le contraire de ce texte. L'immolation d'une bête est valable pour le fœtus qu'elle porte, c'est-à-dire lui aussi il faut le sacrifier, il faut le faire couler le sang. Mais c'est clair que c'est faux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La bête de laquelle le sang a coulé et sur lequel le nom d'Allah a été évoqué, mange-la !» Et le fœtus là, il est mort. Donc on voit ici que le hadith, il est authentique, mais que la compréhension du hadith, elle est fausse. Donc là, on a cité, barakallahu fikoum, sept raisons pour lesquelles les savants divergent sur certains points. Maintenant qu'on a cité ces raisons-là, cela nous pousse à avoir une bonne opinion et une bonne pensée des savants de la Sunna quand il nous est rapporté qu'ils ont dit certaines paroles qui contredisent clairement, directement, certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait qu'ils n'ont pas voulu par cela contredire la Sunna, mais ils l'ont contredit pour une des raisons citées ou une autre raison, car on a dit il y a d'autres raisons, mais on a cité sept principales. Maintenant, quelle est notre position à nous face à ces divergences? Et on a dit au début qu'à cause du développement des moyens de communication, la divergence des savants, elle est répandue partout. Et les gens, ils sont devenus suspicieux et ils se demandent ce qu'ils doivent suivre. Auparavant, il n'y avait pas ce problème. Il n'y avait pas Internet, pas de satellite, pas de télévision. Les livres n'étaient pas transportés en quelques heures d'un bout de la terre à l'autre bout de la terre. Il n'y avait pas l'impression des livres. Avant, c'était les savants ou des élèves de savants ou bien des gens spécifiquement connus pour cela qui copiaient de leurs mains les livres. Et il n'y avait pas les moyens de communication. Donc les gens, ils ne connaissaient que la vie du cheikh de leur ville ou de leur village. Au pire des cas, ils connaissaient la vie du grand cheikh de la ville à côté. C'est tout. Ils n'ont jamais eu accès à un autre avis dans la religion. Sauf les savants parmi eux, bien sûr. Qui voyageaient pour rencontrer les savants, oui. Donc, ce problème ne se posait pas. Ils revenaient aux savants qui étaient dans leur région, en qui ils avaient confiance. Et ces savants, ils leur enseignaient et leur faisaient la fatwa. Et ces gens-là, ils suivaient. Mais maintenant, devant tous ces avis-là, certains sont perdus. Donc, la position juste à prendre devant ces divergences-là, c'est que premièrement, quand on parle de la divergence, on parle de la divergence entre les savants de la Sunna. Pas les innovateurs, pas les égarés, pas les gens qui suivent une voie autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas ceux qui appellent à un égarement, pas ceux qui appellent à un sectarisme. Les savants dignes de confiance, qui craignent Allah, qui sont connus pour leurs bons conseils pour la communauté, pour leur sincérité, pour leur loyauté, pour la profondeur de leur science, pour leur piété. Car la parole, en dehors de leur parole, elle ne nous importe pas. Ce n'est pas une divergence qui a son importance. Il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup de connaissances, mais qui sont déviants sur des croyances égarées, innovateurs. Ceux-là, on ne les considère pas parmi les savants, même s'ils connaissent tous les livres par cœur. Comme les savants de Ahl al-Kitab, qui portent la connaissance, mais ce sont des connaissances qui seront des témoins contre eux le jour du jugement dernier, non pas pour eux. Donc, premièrement, notre attitude envers ces savants, quand on se demande Comment ces grands imams, ces grands savants, ils ont contredit la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le livre d'Allah? Alors on trouve la réponse dans une des raisons que l'on a citées auparavant. Deuxièmement, quelle est notre position concernant le fait de suivre et qui parmi ces savants il faut suivre? Est-ce qu'une personne, elle est dans l'obligation ou bien est-ce qu'il est préférable pour elle de suivre un imam aveuglément sans jamais le contredire? Prendre que d'un savant, que d'une école juridique, même si la vérité se trouve ailleurs, avec des preuves, comme c'est la coutume des fanatiques, ceux qui prennent parti pour leurs écoles de jurisprudence aveuglément. Ou bien, est-ce que cette personne, elle devra suivre la preuve qui paraît être la plus probable et la plus évidente, même si elle contredit l'avis d'un de ses imams? Attention, la parole d'un de ses imams, mais elle ne contredira pas la parole de tous les imams. Il faudra que cette parole, elle soit l'une des paroles des salafs, des pieux prédécesseurs, ou un des compagnons, ou un des tabi'in, ou un des grands imams de l'islam des meilleurs siècles. Si quelqu'un nous vient avec un avis qui n'existait pas à leur époque, on dira c'est un innovateur. Mais par contre, s'ils divergent entre eux, que ce soit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, tabi'in, ou les quatre grands imams, ou autres grands imams, alors, dans ce cas-là, on sera dans l'obligation de suivre la vérité parmi leurs paroles. Ceci est sans aucun doute la vérité à suivre, à condition que cela ne contredise pas une unanimité. Comme on a dit auparavant, par exemple la parole d'Abdullah ibn Abbas sur Riba al-Nasi'a, après il y a eu consensus sur le contraire de cet avis-là. Donc on n'a pas le droit de prendre cette parole. Car il y a ijma, c'est une preuve à part entière parmi les preuves sur lesquelles on s'appuie dans notre religion. Avant de finir ce point-là, je vais vous parler justement de ce que le cheikh Mohammed Sultan Al-Ma'soumi il a dit dans son livre. Comme on a dit, c'est un cheikh de Samarcande. C'était quelqu'un qui a appris au début sur le madhab Hanafi et sur une croyance soufi, Tariqa Naqshbandiya, et la croyance Maturidiya. Et il y avait des choses qui le dérangeaient dans toutes ces croyances soufis, dans le cheikh pour qui il avait fait bay'a. Lui-même, après, il était parmi les gens qui pouvaient de prendre la bay'a pour la tariqa, Naqshbandiya. Mais lui-même, il ne le faisait pas parce qu'il avait un problème avec cela. Pourtant, il n'avait jamais connu quelque chose de contraire à cela, mais ça le gênait. Puis, il a voyagé. Il est passé par plusieurs pays. Il a traversé la Russie, il est arrivé en Turquie. Et il a voyagé pour le pèlerinage et il a rencontré des savants là-bas. À cette époque où il a rencontré les savants là-bas, ce n'était pas encore le roi Abdelaziz et Ibn Saoud qui était le dirigeant de la Mecque. Mais c'était le soufisme qui était répandu là-bas. Et il a appris là-bas de plusieurs savants, de plusieurs écoles juridiques, puis à Médine, puis après il a été en Syrie à apprendre la science, en Égypte. Et il était très riche, il a acheté plus de 1000 livres qu'il a ramenés avec lui jusqu'à son pays. Il a acheté les livres de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Ibn Abd al-Barr. Et il a su que toutes ses croyances étaient fausses. Il est revenu dans son pays, il a appelé au Tawhid. Et les gens l'ont écouté parce que c'était un grand savant qui était reconnu, Al-Ma'soumi. Et ils ont commencé à détruire les mausolées, à appeler au Tawhid et à suivre la voie des salafs. Et lui-même, il se disait salafi. Et il a appelé à combattre ceux qui obligeaient de suivre un madhab. Puis, il y a eu la révolution bolchevique, Lénine et Staline, etc. Et c'est le communisme qui a pris le pouvoir dans son pays. Et ils ont commencé à monter les gens contre lui. Ils l'ont emprisonné deux fois, il a réussi à s'enfuir. La troisième fois, ils l'ont condamné à mort, alhamdoulilah, le matin où il devait se faire exécuter. Son garde s'était endormi, il a poussé la porte, il s'est enfui. Il s'est caché dans un cimetière, dans un cercueil. Et il y avait les chiens errants. Ils ont repoussé les chiens policiers, ils n'ont pas réussi à le trouver, par la grâce d'Allah. Puis après, il s'est enfui en Chine. Et de là-bas, il a envoyé une lettre à des nouveaux musulmans au Japon. C'est pour ça qu'il s'appelle Hidayat al-Sultan ila muslimi bilad al-Yaban. Le cadeau de Sultan pour les musulmans du Japon. Car en fait, ces musulmans au Japon, ils se sont trouvés dans un problème. Ils viennent d'entrer en islam. Un Pakistanais, il est arrivé là-bas, il lui a dit, il faut que vous soyez Hanafi. Un Indonésien, il est arrivé là-bas, il leur a dit, non, il faut que vous soyez Shafi'i. Et ils se sont battus, et ces nouveaux musulmans, ils se sont retrouvés perdus, ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont demandé l'avis à ce grand savant. Et il leur a écrit ce livre, dans lequel il prouve avec les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les paroles des salafs et les paroles des imams, que le tamadhoub c'est une bid'a. Et que le fait d'appeler à suivre obligatoirement une école religieuse, c'est une bid'a qui est apparue après les trois meilleurs siècles. On ne dit pas qu'avant ça, les gens ne réunissaient pas les avis des imams et des savants. Ça existait, les élèves ils réunissaient les avis des savants. Mais il n'y avait pas le tamadhoub que l'on a connu après. Le fait de suivre obligatoirement une école religieuse. Ça, c'est venu qu'après les trois premiers siècles. Oui, je ne vous ai pas dit. Après la Chine, il a réussi à repartir à la Mecque. Pendant son premier voyage, il avait vu aussi la bid'a de la division des musulmans dans la mosquée sacrée. Il y avait quatre lieux pour faire la salat. Quand les ahnaf ils faisaient la prière, tous les autres ils restaient assis dans les rangs. Quand les maliki faisaient la prière, tous les autres ils restaient assis dans les rangs. Quand les shafi'i faisaient la prière, tous les autres ils restaient assis dans les rangs. Une division depuis des siècles dans la mosquée sacrée. Et Allah Ta'ala a donné grâce au roi Abdelaziz Al-Saoud quand il a pris pouvoir sur la Mecque. Il a réuni tous les musulmans sur un imam. Donc quand il est revenu à la Mecque, alhamdoulillah, tout le monde était réuni derrière un imam. Il a été désigné comme enseignant à la mosquée sacrée. Et Cheikh Al-Albani, quand il a fait son hajj en 1949, il l'a rencontré. Mohammed Sultan Al-Ma'soumi lui a donné ce livre. Hidayat Sultan ila Muslimi Bilad Al-Yaban. Puis ce livre après a été imprimé beaucoup plus tard et distribué par le comité des grands savants d'Arabie Saoudite, qui l'ont publié et distribué dans toute l'Arabie et dans d'autres pays. Dans ce livre, je vais vous donner juste quelques titres et quelques passages intéressants sur ce qu'il a dit, rahimahullah. Suivre une école juridique précise n'est ni obligatoire, ni recommandé. Car il n'y a aucune preuve, ni du Coran, ni de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des salafs, ni même des imams des écoles eux-mêmes qui prouvent cela. Ceux qui ont suivi les imams, les élèves des élèves, ils ont changé la religion sur laquelle étaient les croyants. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a levé son aide. Parmi les choses qu'ils ont changées, c'est le fait de s'attacher à une école juridique précisément. D'être aveuglément attaché à elle, même quand c'est faux. Et cette voie-là est une innovation qui est apparue après les trois premiers siècles. Et il n'y a aucun doute en cela, aucun équivoque, car toute innovation pour laquelle la personne croit que ça fait partie de la religion et qu'il y a une récompense dedans est un égarement. Il a dit aussi, si le fait de ne pas s'attacher à un madhab, ça fait la fitna et ça divise les musulmans, et c'est une grande division. Pourquoi Allah ne nous a pas prévenus sur cela ? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas prévenus sur cela alors que la religion est complète ? Mais il n'y a aucun texte, ni du Coran, ni de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique, ni même des paroles des salafs, ni même des paroles des quatre imams qui demandent de suivre une seule personne parmi ces imams ou une seule école parmi ces écoles. Et aujourd'hui, on voit des nouveaux prédicateurs de l'égarement qui veulent rappeler les musulmans à l'époque de la division des madhabs. Nous, on ne dit pas que c'est interdit d'étudier sur un madhab. Écoutez bien, si un savant de confiance enseigne sur un madhab précis, la personne, elle apprend avec ce savant, tant que c'est un madhab de Ahl Sunnah. Mais il ne suit pas aveuglément ce madhab. Une fois qu'il avance et que la preuve, elle lui apparaît, plus il avance dans la science et plus il a des connaissances, et si la preuve lui apparaît sur le contraire de ce qu'il a appris, il le suit. C'est permis, mais on ne dit pas que c'est obligatoire, ni que c'est recommandé. Maintenant, ceux qui appellent à suivre un madhab là en France, puis disent qu'il ne faut pas suivre les savants d'Arabie, on suit le madhab al-Maliki. Moi, je leur pose la question, quel grand savant de la sunna enseigne le madhab Maliki en France, ou en dehors de la France ? Quelqu'un qui est sur une aqidah salafia ? Ou bien ceux à qui vous appelez, c'est des soufis, des tijani et des adorateurs des tombes et des gens qui ne rendent pas innovateurs l'Asha'ira. C'est une ruse pour couper les musulmans des savants de l'islam et les appeler vers eux-mêmes. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont réussi à prendre possession des esprits des gens qui sont assis devant eux pour qu'ils ne reviennent qu'à eux, pour qu'ils deviennent leurs gourous. D'où le danger de cet appel. S'il y avait un grand savant, mashallah, salafi, sur la sunna, sur une bonne croyance, qui enseigne le madhab maliki, on apprend avec lui, il n'y a pas de problème. Le madhab hanafi, on apprend le madhab hanafi dans le fiqh, il n'y a pas de problème. Après, s'il y a des choses qui contredisent la vérité, on suivra la vérité. Quand on apprend, on avance dans la science, on a plus de compétences de différencier les choses. Mais aujourd'hui, parmi l'ahnaf, quelqu'un qui a une croyance saine, ou bien maintenant, ils ont collé la aqidah maturidiyya, et les croyances des turuq soufiya au madhab hanafi, obligatoirement. Et ils ne sont pas sur la croyance de l'imam Abu Hanifa. Pareil chez le shafi'iyya. Donc l'essentiel, barakallahu fikum, c'est de revenir aux savants de confiance. Si ces savants de confiance enseignent sur une méthodologie qui n'est pas sur un madhab, sur le qawl al-rajih, on prend. S'ils enseignent sur un madhab parmi les madhahib de Ahl Sunnah, on prend. L'important, c'est qu'on prenne chez quelqu'un de confiance. Pas quelqu'un qui veut nous couper des savants, qui appelle à la division sur laquelle étaient les musulmans avant, jusqu'au point où les ahnaf et les shafi'i, ils ne se marient pas entre eux. Les ahnaf, ils interdisent le mariage avec un shafi'i. Ou jusqu'au point où pendant des siècles, il y a quatre groupes qui font la même prière dans la mosquée sacrée. Voilà ce qui est obligatoire pour chaque musulman. Mais attention, il y a quand même un point sur lequel je veux attirer votre attention. Une chose essentielle à élucider. Qui peut déduire les lois juridiques à partir des preuves ? C'est un problème puisque chacun prétend être la personne qui est capable de le faire. Et en réalité, c'est pas toute personne dont la preuve lui est arrivée qu'il est capable de comprendre cette preuve. Et c'est pour cela qu'on voit que les gens se divisent en réalité face à la preuve en trois catégories. La première catégorie, les savants, dotés de science et de compréhension. La deuxième catégorie, les étudiants en sciences qui ont acquis une certaine science et une certaine connaissance mais qui n'ont pas encore atteint le niveau des savants. La troisième catégorie, un homme ordinaire qui ne connaît rien de ce domaine. Pour la première catégorie, il est dans l'obligation de suivre la preuve et de la transmettre. Et il ne lui est pas permis de suivre un avis d'un savant comme ça, sauf quand c'est nécessaire. Il n'a pas eu le temps, par exemple, de chercher dans une question, alors il répète l'avis d'un grand savant en qui il a confiance. C'est en cas de nécessité. Mais sinon, il ne lui est pas permis. L'étudiant en sciences, il devra faire son effort selon ses capacités. Mais il devra toujours consulter les savants pour être sûr qu'en suivant tel ou tel avis, il n'a pas contredit l'ijma, ou bien il n'a pas omis certaines preuves à cause du fait qu'il est encore un étudiant en science, il n'est pas encore un savant. D'ailleurs, même un savant peut omettre certaines preuves, comme on l'a vu auparavant. La troisième catégorie de personnes, la personne du commun. Si, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah et d'autres savants disent, il a la capacité de discerner entre deux avis, il choisira celui qu'il considère être le plus juste, selon ses connaissances, même si ses connaissances sont moyennes ou faibles. S'il n'a pas du tout cette capacité-là, son obligation est de demander à la personne en qui il a le plus confiance dans sa science et dans sa loyauté. Et en faisant cela, il aura suivi l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah a dit « L'imitateur aveugle en religion » n'est pas un salafi. Mohammed ibn Ismail al-Amir al-San'ani a énoncé dans son livre précieux Irshad al-Nuqad il a été ici l'ijtihad, l'imitation aveugle est une innovation qui est apparue après les premiers siècles. Une question se pose. Quand on dit la personne du commun il doit revenir vers les gens qui connaissent, est-ce qu'il est dans l'obligation de revenir vers le plus savant ou il lui suffira de demander à un savant de sa région, même si ce n'est pas le plus savant, à condition que ce soit quelqu'un de confiance dans sa science et dans sa religion? Et les savants ont comparé cela à une personne malade. Est-ce qu'il va aller voir le plus grand spécialiste ou bien il ira voir n'importe quel docteur qui a la capacité de le soigner mais qui n'est pas le plus grand spécialiste? Ils ont divergé sur ce point. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, dit que le meilleur pour lui est de chercher le plus savant. Mais ceci ne lui est pas obligatoire. S'il a demandé à une personne de science, de confiance, même s'il n'est pas le plus savant, il aura fait son devoir. Puis le cheikh explique à la fin de son épître qu'il conseille à lui-même et à tous ses frères musulmans, et notamment les étudiants en sciences religieuses, de ne pas se précipiter ni se hâter lorsqu'on est confronté à la résolution d'une question religieuse. Il faut en effet s'assurer de son opinion et la vérifier avant de se prononcer pour éviter d'émettre un avis sans science et attribuer à Allah quelque chose par ignorance. Celui qui délivre un avis juridique sur une question de droit islamique est un intermédiaire entre Allah et les gens. Il transmet les lois religieuses d'Allah, comme ceci a été prouvé par les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants sont les héritiers des prophètes. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les juges sont de trois sortes. Un seul parmi eux est au paradis, celui qui a pris connaissance de la vérité et a basé son jugement dessus. D'autre part, il est important, s'il t'arrive d'être confronté à une question religieuse, de t'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala et de lui montrer que tu as besoin de lui pour comprendre et apprendre, notamment les grandes questions dont la compréhension échappe à beaucoup de gens. D'ailleurs, certains de nos savants ont indiqué qu'il convient à une personne qu'on a interrogée pour une affaire de multiplier l'istighfar, la demande de pardon. Ils ont déduit cela de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil-kha'inina khasima wastaghfirillaha inna Allah kana ghafuran rahima. Dans le sens du verset, nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a appris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres, et implore le pardon d'Allah, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. En effet, le fait de demander pardon à Allah de ses fautes à plusieurs reprises entraîne l'effacement des péchés qui sont à l'origine de l'ignorance et de l'oubli de la science, comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala: فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Dans le sens des versets: et puis à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Donc on voit ici que l'oubli de la science, c'est à cause des péchés. C'est pour ça que l'istighfar est une cause de baraka et de se rappeler la science. D'ailleurs, l'imam Shafi'i, rahimahullah, s'est plaint à Waqir et a dit: je me suis plaint à Waqir de ma mauvaise mémoire. Il m'a conseillé de délaisser les péchés et il m'a dit: sache que la science est une lumière et que la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. Il n'y a donc pas de doute que demander le pardon à Allah tabaraka wa ta'ala de ses fautes est une raison pour qu'Allah guide l'être humain vers la vérité et la science. Pour finir donc ce sujet, barakallahu fikum, suivre un madhhab en tout point n'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni des salafs. Mais il n'est pas interdit de s'affilier ou d'apprendre sur un madhhab à condition que l'on apprend chez quelqu'un de la sunna, de confiance. Et d'ailleurs, quand les savants s'affilient à un madhhab, c'est comme s'affilier au pays d'où il vient, Samarkandi, etc. Pour informer d'où on vient, c'est permis. Par contre, l'attachement à son affiliation et faire l'alliance et le désaveu sur l'affiliation vers laquelle on vient, est-ce que c'est permis en islam? C'est interdit. Comme c'est interdit pour le pays, c'est interdit aussi par rapport à l'école. Si un savant dit « je suis Hanbali, Shafi'i », c'est-à-dire il informe quelle éducation il a reçue, sur quel madhab il a appris dans sa jeunesse, ça ne veut pas dire par là qu'il s'attache à cette voie-là tout le temps, qu'il appelle à suivre un madhab. Comme par exemple Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a appris, il a dit qu'il est Hanbali. Mais quand on lui demande est-ce qu'on doit suivre un madhhab, il dit non. On ne doit pas s'attacher qu'à un madhhab, on doit suivre la preuve et la vérité. Donc il y a une différence entre l'affiliation, d'informer sur quelle école on a été éduqué, sur quels avis on a été éduqué, de quel pays, région on vient. Ce n'est qu'une information et non pas un appel à suivre obligatoirement une école juridique. Barakallahu fikum. Moi, je vous conseille de revenir à ce livre, Hidayat al-Sultan, il a muslimi bilad il-Yaban. Ils lui ont donné aussi un autre titre: est-ce que le musulman est dans l'obligation de suivre un madhhab parmi les quatre madhhabs? Mohammed Sultan al-Ma'soumi. Donc, si vous le trouvez en français, Inch'Allah, je vous conseille de le lire, il est très profitable. Il détaille en vérité leurs contradictions et le fait qu'ils contredisent le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en cela. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani, quand il était en Syrie, les Muta'assiba, les Mutamadhiba, ils ont fait deux livres pour répondre à ces livres parmi ses élèves. Et lui-même, dans Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à ces livres-là pour montrer qu'il n'est pas obligé de suivre un madhhab. Et un parmi ses élèves aussi, il a écrit un livre qui s'appelle Bid'atu al-Ta'assub al-Madhhabi, l'innovation de suivre aveuglément un madhhab, où il a détaillé clairement. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous raffermir sur cette voie-là et de nous pardonner nos péchés et d'unir la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa sunnah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.